بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. C'est notre sixième rencontre autour de cette risala de son éminence Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala, l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha du Cheikh Al-Ruhayli. يقول الشيخ فيما نقل له عن الشيخ الرحيلي قولك صفحة 28-29 رابعا ما يتعلق بالزمان والمكان الذي تحصل فيه المخالفة فيفرق بين الأماكن والأزمان التي تكتل فيها المخالفات والمنكرات وتقوى شوكة أهلها وبين الأماكن والأزمان التي تقل فيها المخالفات وتضعف شوكة أهلها فإن كانت الغلبة في الزمان والمكان لأهل السنة فيشرع الهجر مع مراعاة الضوابط الأخرى لأن المخالف ضعيف فيحصل له الزجر بذلك كما قال الله تعالى في كعب بن مالك وصاحبيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Et Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala de nous ramener d'autres paroles de Cheikh Al-Ruhayli Hafidhahu Allah Ta'ala dans sa nasiha. Il lui dit, ta parole quand tu dis à la page 28-29, quatrièmement, et ce qui a rapport avec le temps et avec le lieu dans lequel arrive la divergence avec la sunna. Donc il faut faire la différence entre les temps et les lieux dans lequel s'accomplit ces divergences avec la sunna et dans lesquelles s'accomplit le mal et que la force elle est aux gens du mal et aux gens de ceux qui sont et à ceux qui sont en divergence. Et aussi il faut faire la différence entre les lieux et les temps à les lieux et les temps où il n'y a pas beaucoup de divergences et que les gens de la divergence sont faibles. Et il dit c'est le lieu et le temps, ce sont les gens de la sunna qui ont la force et qui sont nombreux dans ces cas-là, il est légiféré de faire l'hajr, tout en respectant les autres règles. Car le divergent dans ces cas-là, il est faible. Et il va arriver, le fait de le faire, de l'hajr, de le mettre à la quarantaine, il va arriver qu'il va s'éduquer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit de Ka'b ibn Malik et de ses deux compagnons, il cite le verset dont la traduction nous dit ceci, à tel point que la terre est devenue très... très serrée pour eux, ils se sentaient plus bien sur terre, et même, ils ne se reconnaissaient pas eux-mêmes, et ils ont cru qu'ils n'ont d'autre refuge qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وكما حصل الزجر والتأديب في هجر عمر والأمة لصبيغ بن عسل على ما هو معلوم. Il dit comme il est arrivé le fait de mettre à la quarantaine pour et l'éducation qu'a donné Omar et toute la communauté à Sabir ibn Asl comme il est connu. Parce que Omar ibn Khattab il a éduqué ce Sabir et en plus il a demandé à la communauté de le mettre à la quarantaine. يقول وأما إذا كانت الغلبة في الزمان أو المكان لأهل الشر والباطل فلا يشرع الهجر إلا في الأحوال الخاصة لأن الهجر لا يحقق مقصده من التأديب والزجر بل ربما تضرر بذلك أهل الحق. Il dit ici maintenant la force et la puissance dans le lieu et dans le temps il est pour les gens du mal, les gens du faux, il n'est pas légiféré de faire l'hajr sauf dans des situations particulières. Car l'hajr dans ces cas-là va pas amener, va pas accomplir, on va pas arriver avec, en mettant l'hajr, on va pas arriver au but, qui est le but d'éduquer et de donner la leçon. Et il dit peut-être que dans ces cas-là, ce sont les gens du bien qui vont subir le mal et qui vont souffrir de ce hajr. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا يفرق بين الأماكن التي كتلت فيها البدع كما كتل القذر في البصرة والتهجم بخراسان والتشيع بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصول أوصل الطرق إليه انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Il cite des paroles du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dans le recueil 28 d'Ifatawa, à la page 206 et 207, où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, c'est pour ça, on fait la différence entre les lieux où l'innovation, celle qui a pignon sur rue. Comme le Khadar à l'époque, il avait pignon sur rue à Basra. Et Tahajjum, la voix du Jahm ibn Usfwan, il avait pignon sur rue à Khorasan. Et Tashayyur, la voix de Shia, avait pignon sur rue et une puissance à Al-Kufa. Et il dit, il faut faire la différence entre ceci et cela, et faire la différence entre eux, les imams qui sont oubliés, qui sont pris comme exemple, et d'autres. Et quand on connaît, et si on connaît, le but de la législation, on suit le chemin pour arriver à ce but. Hein? Et ceci est pris dans Mjmou al-Fatawa, le recueil 28 à la page 206. Ça, ce sont les paroles de Ibrahim al-Ruhaili. Maintenant, au commentaire du Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, « Al-ta'liq ala hadha al-kalam. Qawluka idha kanat il-ghalabatu fi zamani wal-makan li ahli al-shar wal-bati fala yashra'u l'ajr illa fi l'ahwal al-khassa. » Il lui dit, et les paroles sont à Cheikh l'Islam, le Témir al-Hatoula, ta parole quand tu dis contre le pouvoir et la puissance dans le lieu et dans le temps, il est pour le gens du mal et le gens du faux. Donc il n'est pas permis de faire l'âge, sauf dans des cas particuliers et dans des situations particulières. يقول له الشيخ ربيع اولا لم تبين هذه الاحوال الخاصه. Il lui dit, ah, premièrement, tu n'as pas montré ces situations particulières. Bah, قولك لا يشرع يحتمل انه لا يجوز انكار المنكر في حال غلبته على الباطل في الزمان والمكان مهما كان نوع هذا المنكر ولو كان كفرا وشركا فهذا لا يسلم به. Il lui dit, bah, ta parole quand tu dis n'est pas légiféré, cela suppose qu'il n'est pas permis de blâmer le mal contre les gens du faux ont le pouvoir, ils sont en puissance dans les lieux et dans le temps, dans certains lieux et à une certaine époque. Malgré le degré du mal, même si c'est de la mécréance ou de l'associationnisme, et ceci, c'est pas bon, et ceci n'est pas bon. يقول ويحتمل أن تريد بهذا القول أنه يرخص لأهل الحق بأن لا يواجهوا أهل الباطل الأقوياء في هذه الحال فهذا يسلم به. Il dit, ça suppose aussi, ta parole suppose aussi que il est permis. Et l'autorisation est de donner aux gens de la vérité de ne pas faire face, de ne pas attaquer les gens du faux parce qu'ils ont la force. Dans ces cas-là, la situation, il est acceptable. يقول الشيخ ربيع لكن كان ينبغي أن تحرر عبارتك وتوضحها لئلا يفهم منها ما لا تقصده. Et le Cheikh Rabi' de lui dire, mais il était de ton devoir de bien clarifier ton expression pour qu'on ne comprenne pas ce que tu ne veux pas dire de ce que tu as écrit. جيم إن الأنبياء ومن صار على نهج من العلماء يدعون إلى الحق والتوحيد وينكرون الباطل والشرك في أي زمان ومكان ولا يبالون بقوة أهل الباطل والشرك والضلال مهما بلغوا من القوة والقرآن مليء بقصص الأنبياء التي واجهوا فيها أهل الشرك والكفر والكبرياء. Il lui dit en plus, hein, les prophètes عليهم الصلاة والسلام et ceux qui ont suivi leur voie parmi les hommes de science qui appellent vers la vérité et vers le monothéisme, blâment le mal, l'associationnisme, à toute époque et en tout lieu. Ils ne donnent pas l'importance à la puissance qu'ont les gens du mal et de l'associationnisme et de l'égarement. Malgré la puissance qu'ils peuvent atteindre, il dit le Coran, il est plein d'histoires des prophètes alayhi salatu wasalam, comment ils ont fait face aux gens de l'associationnisme, de la mécréance et aux orgueilleux. يقول الشيخ ربيع حفظه الله ومنها مواجهة خليل الله إبراهيم للنمرود وقومه ومواجهة كليم الله موسى لفرعون وقومه. Il dit, fait partie de ça le face-à-face qu'a fait l'intime Ibrahim alayhi salatu wassalam au roi Namrod et à son peuple. Et le face-à-face qu'a fait celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a adressé la parole qui est Moussa alayhi salatu wassalam, comment il a fait face à Fir'aun et à son peuple. يقول ومن مواجهة العلماء مواجهة الإمام أحمد لدولة المأمون والمعتصم والواتق والخلفاء العباسيين ومعهم القضاة والأمراء من رؤوس الجهمية والمعتزلة. Il dit, fait partie aussi du face à face qu'ont eu les hommes de science, Le face-à-face qu'a eu l'imam Ahmed devant l'état de l'Ma'moun et devant l'état de l'Mu'tasim, qui sont les khulafa de Banu al-Abbas, et avec eux il y avait les juges, il y avait les princes, il y avait les têtes de la Jahmiya et les têtes de l'Mu'tazila. يقول ومنها مواجهة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهما للأشعرية والصوفية والدولة والقوة بأيديهم. Il fait partie de ça aussi, le face à face qu'a fait شيخ الإسلام ابن تيمية ainsi que ses élèves comme ابن القيم ابن عبد الهادي. Le face à face qu'ils ont eu en face des Ash'arites et des Sufis, alors que l'État, il leur appartenait et la puissance était entre leurs mains. ومنها مواجهة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه لقوى الشر والباطل حتى قامت له دولة إسلامية قوية. Et fait partie de ça aussi le face à face qu'a eu l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab et ceux qui étaient avec lui, le face à face qu'ils ont eu face à la force du mal et du faux, jusqu'à ce qu'ils ont établi un État islamique fort. يقول الشيخ ولم يأخذ هؤلاء بهذه الرخصة بل أخذوا بالعزيمة ورأوا أن الأخذ بالعزيمة هو الواجب وأن هذا من أعظم الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل وفي رواية حق عند سلطان جائر. Et il dit حفظه الله تعالى الشيخ ربيع, ils ont pas pris l'autorisation mais ils ont pris la position ferme. Ils ont vu qu'il faut qu'il soit ferme, qu'il doit prendre cette résolution ferme, et que ça c'était l'obligatoire pour eux. Et que ça fait partie du summum du combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit le messager alayhi wa sallam, dans ce hadith authentifié par Cheikh Nasr rahmatullah alayhi, dans la chaîne des authentiques. Il a dit que le meilleur des combats est une parole de justice, ou alors dans une autre version, et une parole de vérité devant un juge tyran ou un juge injuste. يقول وفي هذا العصر نهض أهل السنة في مختلف البلدان بالدعوة إلى الله ويصبرون على ما يواجهون في تلك البلدان التي تكون القوة والغلبة فيها لأهل البدع والباطل فلا يصدهم ذلك عن مواصلة الدعوة والصبر على ما يلاقونه من الأذى. Il dit à notre époque, les hommes de la Sunna se sont levés dans différents pays pour appeler vers Allah et ils patientent, ils endurent de ce qu'ils subissent dans les pays dans lesquels la puissance est aux gens du faux et aux gens de l'innovation, et tout ceci ne les détourne pas du fait de continuer la da'wa et de patienter de tout, devant tous ceux qu'ils subissent et ils endurent et ils subissent. يقول فيصدق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Il dit comme ça, ils vont de pair avec la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit, restera toujours une fraction de ma communauté apparent sur la vérité, peu importe ceux de l'intérieur qui veulent les faire faiblir, jusqu'à ce que leur Allah subhanahu wa ta'ala arrive et ils sont dans cette situation-là. Il lui dit d'elle, ثم إنما ذكرت ولا ينطبق على واقع هذا العصر وأهله. Il lui dit en plus, ce que tu as cité dans ce passage ne peut pas s'impliquer aux gens de cette époque et à leur situation. يقول أولا فالقوة والظهور في بلاد الحرمين والحمد لله لأهل السنة السلفيين والصغار على أهل الأهواء ولهذا تراهم يتسترون ببدعهم ويلبس كثير من أهل الأهواء لباس السلفية والسنة. Il lui dit premièrement, pourquoi on ne peut pas utiliser tes paroles à notre époque? Il a claqué sur notre époque. D'abord parce que la puissance et l'apparence dans le pays des Haramain, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, il a louangé à Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance était genre de la Sunna et au Salafi. Il a bassesse, il a vilissement, et le déshonneur, il est pour les gens qui suivent leur passion. C'est pour ça que tu le vois, ils se cachent avec leurs innovations. Ils se déguisent, et parmi les gens de l'innovation, ils se déguisent avec les habits de la salafia et de la sunna. Il lui dit deuxièmement, ثانيا في بلاد الكفر من دول أوروبا وأمريكا وغيرها قد أعطوا في دساتيرهم وقوانين حرية الكلمة في كل المجالات للكفار والمسلمين، فالكفار يستغلون هذه الحرية للطعن في الإسلام وأهله ومن شاء ممن يخالفه من أهل مللهم. Il dit deuxièmement, en ce qui concerne les pays de la mécréance, comme l'Europe, l'Amérique et autres, ils ont donné dans leur loi la liberté d'expression à tous les niveaux, pour les mécréants et pour les musulmans. Les mécréants, ils utilisent cette liberté d'expression pour critiquer, dénigrer l'islam et les gens de l'islam, et ce qu'ils veulent, parmi ceux qui sont en divergence avec eux. وَالْمُبْتَدِعَا يَسْتَغِلُّنَ هَذِي الْحُرِّيَ فِي تشويه الْحَقِّ وَأَهْلِهِ وَفِي نَشْرِ ظَلَالَاتِهِمْ وَأَبَاطِلِهِمْ. Et les innovateurs utilisent cette liberté d'expression pour défigurer la vérité, salir la vérité et les gens de la vérité et propager leurs innovations et leurs faux. يقول وأهل السنة يستغلون هذه الحرية في نشر ما عندهم من السنة وفي رد الباطل والهجمات على الإسلام. Il dit les gens de la Sunna profitent de cette liberté d'expression pour propager ce qu'ils ont de la Sunna et de vérité et pour refuter le faux et les attaques contre l'islam. يقول الشيخ ربيع ومجالات هذه الحرية كثيرة جدا كالصحف والمجلات والمواقع الفضائية وشبكات المعلومات الدولية الانترنت. Il dit les espaces pour cette liberté d'expression sont nombreux. Les revues, la presse, les journaux, les sites, les forums sur internet et ainsi de suite. يقول الشيخ ربيع فأين أنت من هذا الواقع؟ Et maintenant il pose la question à Cheikh Ibrahim Rouhali. Il a dit qu'est-ce que tu dis? Où tu es par rapport à cette actualité? يقول فكان يجب أن تشجع أهل الحق على نشر ما عندهم من الحق وعلى الرد على أهل الباطل الذين عرفنا بالتجارب الطويلة أن لين الجانب والسكوت عنهم لا يزيدهم إلا عتوا وتمردا لا سيما إذا وجد من يحابيهم ويدافع عنهم. وعلى كل حال فاستشهادك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتنزيله على أهل هذا العصر في غير محله. Et il lui dit, il était de ton devoir d'encourager les gens de la vérité pour propager ce qu'ils ont comme vérité et pour répliquer aux gens du faux qui nous avons connu par expérience de ces gens du faux que le fait d'être doux avec eux et de se taire sur eux ne fait qu'augmenter leur fait de dépasser leurs limites et de se révolter encore plus et de se propager et de baigner encore plus dans leur faux. Surtout quand il trouve des gens qui les défendent. Il lui dit, de toute façon, le fait que tu prends comme preuve la parole du Cheikh Ibn l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et tu la claques sur notre époque, ce n'est pas sa place. Dire, regardez frère en Allah Azza wa Jal, Cheikh Rabi ici nous montre que docteur Ibrahim Rouhani n'a pas donné un éclaircissement complet sur les situations particulières qu'il a citées dans ses paroles. Et quand il a dit « l'hajr n'est pas permis dans... » Cheikh Rabi lui a dit « tes paroles, c'est une parole générale qui a besoin d'un peu de clarification. » Il lui a montré dans ce passage que les prophètes et ceux qui sont sur leur voie, qui appellent vers la vérité, blâment le mal. Et blâme l'associationnisme et les innovations ont tout lieu en tout temps. Et il a cité des exemples pour ça. Et la règle, il dit à Dr Ibrahim, la règle que tu as citée ne s'applique pas à notre époque. Dire la règle que tu as pris dans les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ne s'applique pas à notre époque. Comme il n'est pas permis de prendre comme témoin et comme preuve pour ce que tu avances, les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah de le claquer sur notre époque. يقول الشيخ ربيع وقلت قولك في صفحة 29 خامسا ما يتعلق بمدة الهجر فينبغي أن تكون مناسبة لحال المخالف ونوع مخالفته فإن من الناس من ينزجر بهجر اليوم واليومين والشهر والشهرين ومنهم من يزيد وينقص فإذا حصل المقصود بالهجر يجب أن يقطع وإلا حصل اليأس والقنوط كما أنه إذا نقص عن المدة المناسبة لم ينفع. Il lui dit à la page 29 où tu dis, cinquièmement, ce qui a rapport avec la période qu'on doit délaisser quelqu'un. Il dit, que la période, Cheikh Ibrahim Rouhali, de dire, la période doit convenir à la situation de celui qui est dans la divergence et doit convenir aussi à sa divergence. Elle dit, il y a des gens qui vont prendre la leçon en le délaissant de côté un jour ou deux, un mois ou deux, et d'autres un peu plus ou un peu moins. Il dit, mais si on arrive au but avec l'hajr, il faut s'arrêter, il faut plus le hajr. Sinon, il va arriver que la personne va être lassée, hein, et il va être pessimiste. Il va se replier sur lui-même. Et comme, et aussi, si la période n'est pas la période qu'il faut, peut-être que le hajj ne sera pas utile pour la personne. يقول ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستفادة من هجر النبي صلى الله عليه وسلم الكعب بن مالك وصاحبيه وفيه دليل على أن هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا يزيد عن الكمية والكيفية فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه. انتهى كلامه من زاد المعاد. Il cite Dr. Ibrahim Rouhali de citer ici les paroles d'Ibn al-Qayyim, hein, quand il a cité certains points à retenir du fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis à la quarantaine Ka'b ibn Malik et ses deux autres compagnons. Et Ibn al-Qayyim de dire, il y a une preuve que le fait que l'imam, le gouverneur et le savant, hein, et l'homme de science et celui qui obéit, hein, quand il met quelqu'un à la quarantaine, il ajoute quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose avec lequel il a mérité d'être ajouté. Hein? Et que le hajr c'est un remède pour lui, hein? Et que ça va lui ramener une guérison, et il ne doit pas dépasser la limite qu'il faut lui donner, ni de la diminuer pour qu'il soit bien éduqué, parce que s'il dépasse la limite, peut-être il va le faire périr ici, hein? Et donc il faut que le hajr soit dosé de la meilleure des façons. يقول الشيخ ربيع أقول هذا التقرير فيه خلل ولم يفي بالمقصود. الشيخ ربيع de dire cette affirmation ici, il y a des lacunes dedans, il n'arrive pas, il accomplit pas le but. أولا فالهجر من أجل خصومات شخصية دنيوية يحرم أن يزيد على ثلاثة أيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Il dit premièrement parce que le hajr quand il est pour des choses personnelles et pour des choses qui concernent ce bas monde, il ne doit pas dépasser, il est interdit qu'il dépasse 3 jours. Comme il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, il n'est pas permis aux musulmans de délaisser son frère et de mettre à la quarantaine son frère plus de 3 jours. Ils se rendent compte, et Hada il se détourne et l'autre il se détourne. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui commence à faire salam à son frère. يقول وإن كان الهجران للشخص من أجل بدعته فإن هجره يستمر إلى أن يتوب فإن لم يتوب فعلى التأبيد. الشيخ ربيع de dire mais si l'hajr pour l'individu il se fait à cause de son innovation, donc le fait de le mettre à la quarantaine va continuer jusqu'à ce qu'il se repent, qu'il revient, sinon ça va être le hajr tout le temps. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة خلال شرحه لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك ومنهم كعب رضي الله عنه وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معادات أهل البدعة ومهاجرتهم. إيه الإمام البغوي رحمه الله dans l'inter-Sharh Sunna, il dit, quand il a parlé de ce hadith, le hadith de Ka'b ibn Malik et des trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk, il a dit, il y a une preuve dans ce hadith que le fait de délaisser les gens de l'innovation, il est pour toujours. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour Ka'b ibn Malik ainsi que ses deux compagnons de tomber dans la dans l'hypocrisie quand ils se sont absentés et ne sont pas sortis avec lui pour la bataille de Tabouk. Il a ordonné qu'on les mette à la quarantaine, qu'on ne leur parle plus jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu leur repentir. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a su leur innocence. Et Sahaba était sur cette voie, ainsi que Tabi'in et Tabi'in et les hommes de science de la Sunna sont à l'unanimité sur le fait qu'il faut prendre, qu'il faut haïr les gens de l'innovation, il faut les mettre à la quarantaine. ثانيا يقول الشيخ ربيع استجهادك بكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في غير محله فإنه لا يتحدث عن هجران المبتدع وإنما هو يتحدث عن من يفعل ما يستوجب العتب من أهل السنة والاستقامة أما أهل البدع فهو لا يقصدهم من قريب ولا من بعيد فليتأمل القارئ الكريم كلام هذا الإمام. Deuxièmement, il lui dit le fait que tu prends comme preuve les paroles du Cheikh l'Islam ibn al-Qayyim rahimahullah, tu l'as pas mis à sa place, car Ibn al-Qayyim, il ne parle pas du fait de délaisser les gens de l'innovation, mais il parle des gens de la sunna et de la droiture qui ont commis un acte par lequel ils méritent d'être réprimandés. Quant aux gens de l'innovation, ils ne sont pas concernés par sa parole ici, ni de près ni de loin. Et il dit, Havidallah, que celui qui lit, que le noble les lectures, hein, médite les paroles de cet imam. Donc, dans ce passage à l'islam, Taminan, et dans ce passage à l'islam, hein, il est très important de faire la différence entre le hajr qui se fait pour les choses de ce bas monde et le hajr des gens de l'innovation. Donc le premier qui se fait pour les choses de ce bas monde, il n'est pas permis qu'il dépasse 3 jours. Et le deuxième, il est pour toujours jusqu'à ce que l'innovateur, il revienne de son innovation. Et tu as bien entendu que Cheikh Rabbi Habibullah Ta'ala t'a montré comment, hein, docteur Ibrahim al-Ruhayli n'a pas mis la parole de Ibn al-Qayyim à sa place. Et que les paroles de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ne concernent que quelqu'un parmi les gens de la droiture et non pas les gens de l'innovation qui est tombé dans quelque chose, hein, dans laquelle il mérite d'être réprimandé. Pour laquelle il mérite d'être réprimandé. Bah, fais la différence avec tout ça, à l'islam. Yaqul, قلتم في صفحة 30 ثامنا الإنكار على المخالف والرد عليه نصحا له وحماية للأمة من خطئه من الأصول المقررة عند أهل السنة وهو من أعظم أنواع الجهاد ولكن ينبغي أن تراعى فيه الضوابط الشرعية والشروط المرعية التي يمكن من خلالها تحقيق لمقصده الشرعي. Il dit à Dr. Rabi, à la page 30 vous avez dit, huitièmement, le fait de blâmer le divergent et de lui faire la réplique par conseil pour ce divergent et pour protéger la communauté de son erreur fait partie des fondements confirmés chez les gens de la Sunna et fait partie du summum du combat sur le sentier de Allah. Mais il faut prendre en considération à ce niveau-là les règles de la législation et les conditions avec lesquelles on peut arriver à accomplir ce but légiféré, qui est le fait de répliquer aux divergents et le fait de le blâmer. يقول الشيخ إبراهيم ومن ذلك أن يكون بإخلاص ونية صادقة في نصرة الحق والتشرد له. Et Cheikh Ibrahim al-Ruhayli dit, premièrement, il faut que ça soit accompli avec sincérité et avec une intention véridique de vouloir faire triompher la vérité et d'être dépouillé pour la vérité. يقول والكلام لإبراهيم الرحيلي ومن لوازم الإخلاص فيه أن يحب هداية المخالف ورجوعه للحق وأن يسلك كل المسالك الممكنة في تقريب قلب المخالف لا تنفيره وأن يصحب ذلك دعاء الله له أن يهديه خصوصا إن كان من أهل السنة أو من غيرهم من المسلمين وقد دعا صلى الله عليه وسلم من بعض الكفار بالهداية فكيف بالمسلمين الموحدين. Toujours les paroles sont à Ibrahim al-Ruhayli. Il dit, il fait partie des choses qu'implique la sincérité dans cela, c'est que celui qui réplique et qui blâme le divergent doit aimer la guidance pour celui qui est tombé dans la divergence, il doit aimer pour lui de revenir vers la vérité. Il doit utiliser tous les moyens possibles pour rapprocher le cœur de ce divergent et pour ne pas le faire éloigner. Et il doit aussi accompagner tout ce qu'il fait avec le dua en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. S'il fait partie des gens de la sunna ou d'autres parmi les musulmans. Alors quand il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait des dua pour certains mécréants pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Qu'est-ce qu'il en est pour les musulmans monothéistes ? يقول الشيخ ربيع حفظه الله أقول قولكم عن الرد على المخالف إنه من الأصول المقررة عند أهل السنة ومن أعظم أنواع الجهاد حق. Il lui dit, Cheikh Rabi, de dire, je vous dis, votre parole, comme vous dites, répliquée ou divergente, fait partie du fondement confirmé chez les gens de la Sunna, et que ceci est le plus grand des combats, ceci est vrai. يقول وأقول كثير من المنتسبين إلى السنة لا يعترفون بهذا الأصل ولا يرونه من الجهاد بل يحاربون من يرد على أهل الأهواء ويغرسون في نفوس الناس أن الردود على أهل الباطل من أقباح الأعمال وأهلها من شر الناس فإن إنكاركم عليهم الشيخ ربيع دو لوي دير premièrement beaucoup de gens parmi ceux qui appartiennent à la sunna ne reconnaissent pas ce fondement, ils ne voient pas dans son fondement qu'il fait partie du combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils combattent beaucoup parmi eux combattent ceux qui répliquent aux gens de l'innovation. Ils plantent dans le cœur des gens que les répliques sur le faux et sur les gens du faux, c'est le pire des actes. Et que les gens qui font ceci, ce sont les pires des gens. Et il lui dit, où est votre blâme à ces gens-là? Comment vous ne blâmez pas ces gens-là? Taniyan yaqul الشيخ ربيع أكثرت من الشروط والضوابط ولم تسق الأدلة على مشروعيتها ووجوبها ولم تنقل عن الكتاب والسنة ولا عن أئمة الإسلام هذه الشروط والضوابط والله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Et deuxièmement, il lui dit, tu ne sais, tu n'as pas cessé dans ta nasiha de citer beaucoup de conditions et beaucoup de règles. Il t'a pas ramené de preuves sur la légitimité. Il allait gifération de ces règles, comme quoi elles sont obligatoires ou quoi que ce soit. Tu n'as rien ramené du livre, ni de la sunna, ni des imams de l'islam concernant ces conditions et ces règles de quelles tu parles. Alors qu'il est dit dans le verset, ramenez votre preuve si vous êtes véridique. Yaqul al-Sheikh Rabi' Yaqul al-Sheikh Rabi' wa hadha al-iktar min al-dawabit wa al-shuruh والشروط مما يفرح به أهل الأهواء ويثبت كثيرا من أهل السنة. Il dit, et le fait de parler beaucoup, de ramener beaucoup de règles et de conditions, ça fait réjouir les gens de l'innovation et les gens qui suivent leur passion, et ça faiblit les gens de la sunna. يقول الشيخ ربيع نعم الإخلاص والتجرد يجب أن يكون في كل عمل يتقرب به إلى الله وينبغي أن يحب الراد للمردود عليه الهداية والرجوع إلى الحق ولكن ذلك لا يجب ولا هو من لوازم الإخلاص فحتى الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لا يرون أن ذلك من لزوم الإخلاص ولا من واجبات دعوتهم. Il lui dit, certes, la sincérité, le fait de se dépouiller pour la vérité est obligatoire dans toutes les œuvres avec lesquelles on se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il faut qu'il aime pour celui qui fait la réplique, il faut qu'il aime pour celui à qui il fait la réplique, la guidance et le fait de revenir à la vérité. Il dit, mais ceci n'est pas obligatoire, ni il fait même pas partie des implications de la sincérité. La sincérité ne l'implique pas. Il dit, même les nobles messagers alayhi salatu wassalam ne voient pas que ceci fait partie de ce que implique la sincérité, ni des obligations de la sincérité dans leur da'wah. قال تعالى عن نوح عن رسول الله نوح وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Il nous cite le verset, qu'est-ce qu'il a dit Nuh alayhi salatu wassalam dans cette traduction approximative. Il a dit, Nous, Hadi, ô souverain, ne laissons qu'un mécréant tourner sur terre, car si tu les laisses tourner sur terre, ils vont détourner tes serviteurs. Ils vont avoir comme on font que des pervers et des mécréants. وقال تعالى ذاكرا دعاء موسى على فرعون وقومه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن ستسي كمو موسى عليه الصلاة والسلام أفي سدعاء contre فرعون son peuple. Et cette traduction approximative nous dit: والله fais lapider, détruis leur fortune et leur puissance. Ils ferment leur cœur et qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient l'énorme châtiment. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed ou l'imam Muslim a fait un dua contre son peuple. Il a dit: oh Allah, fais qu'ils subissent des années de sécheresse comme les années de Yusuf alayhi salatu wassalam. وعن أنس رضي الله عنه إنما قال إنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء أخرجه الإمام مسلم. يا أنس de nous rapporter que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a fait le qunut dans la prière pendant un mois faisant des dua contre des gens qui ont tué ses compagnons qu'on appelait القراء. القراء à cette époque c'est des hommes de science. الحديث اللي رابورتي بار الامام مسلم وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصيا عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اي انه رابورتي سي كما اللي رابورتي شي الامام البخاري والامام مسلم كل الرسول صلى الله عليه وسلم فزي ها القنوت دو سي بريير بوندون ان موا ها il maudissait la tribu de Ra'l, de Kwan et de Usayya. Il disait, ils ont désobéi à Allah et à son messager, il leur faisait des dua contre eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse, il disait alayhi salatu wassalam. ومن مناقب الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان شديدا على المنافقين والكافرين والمخالفين من المسلمين. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد تسالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. في partie des vertus et des nobles vertus du Farouq عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, il était dur et ferme contre les hypocrites, les mécréants, les divergents parmi les musulmans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant Omar ibn al-Khattab: par celui qui tient mon âme entre ses mains, le shaitan il te rencontre dans une rue, il se sauve, il va prendre une autre rue. Yaqulu Sheikh Rabi Hafidhahullah: wa kanat ash-shiddatu ala ahli al-batil على أهل البدع والباطل من محامد كثير من أئمة السنة, فمن يشد منهم على أهل البدع لا يحاربونه ولا ينتقصونه ولا يعارضونه بل يجعلون ذلك من محامده ومزاياه. Et la dureté du Cheikh Rabi' contre les gens de l'innovation et du faux était un caractère, un noble caractère chez beaucoup d'imams de la Sunna. Celui qui était sévère et dur avec les gens de l'innovation, il lui faisait, il l'élevait, il le louait, et il ne le combattait pas, il ne le diminuait pas, il ne s'opposait pas à lui. Et pour eux, c'est une noble chose qu'il soit quelqu'un qui attaque les innovations et les gens de l'innovation, qu'il soit dur avec les gens de l'innovation. قال الإمام عبد الله بن مبارك: ما رأيت أحدا أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة. الإمام عبد الله بن مبارك pour nous parler de حماد بن سلمة, هذا حماد بن سلمة était sévère et dur avec les gens de l'innovation. الإمام عبد الله بن مبارك يقول: je n'ai pas vu quelqu'un qui ressemble au premier, c'est-à-dire aux premières générations de l'islam, comme حماد بن سلمة. C'est-à-dire dans ses positions contre, ses positions fermes, dures contre les innovations. وقال وهيب بن خالد كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. حماد وهيب بن خالد disait de حماد بن سلمة qu'il était leur سيد, leur maître, et celui qui avait le plus de science qu'eux, alors qu'ils savaient tous qu'il était dur et sévère avec les gens de l'innovation. وقال غيره كان إماما في العربية فقيها فصيحا شديدا على المبتدعة صاحبة تصانيف والتناء عليه كثير. D'autres ont dit que Hamad ibn Salama était un imam dans la langue arabe, un jurisconsulte, il était éloquent, il était dur concernant le Mubtadi'a et il avait beaucoup d'écrits. Et les éloges sont nombreux pour cet homme qui était dur avec, hein, avec les innovateurs. Il salaf, il ne s'opposait pas à lui ni il le blâmait, abadan, comme on l'entend maintenant. وقال العجلي في حماد بن سلمة كان ثقة وكان يعد من حكماء هذه الحديث. العجلي dit de Hamad ibn Salama, alors qu'il sait ses positions sévères et dures contre les innovateurs, il dit Hamad ibn Salama était digne de confiance, il était considéré parmi le sage des gens du hadith. وقال الإمام علي بن المديني هو عندي حجة في رجال وهو أعلم الناس بثابت البناني وعمار بن أبي عمار ومن تكلم في حماد فاتهمه في دينه. الإمام علي بن المديني كيسي الإمام علي بن المديني إلى دين حماد بن سلمة c'est une preuve pour moi concernant le jugement sur les hommes. Et il dit, il est le plus connu, il est celui qui connaît le plus ثابت البناني وعمار بن أبي عامر وعمار بن أبي عامر il dit celui qui parle mal sur Hamad accusez-le dans sa religion. وقال ابن حبان ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع ولكن ولم يكن يتلبه في أيامه لا معتزلي قذري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة. ابن حبان ذي حماد بن سلمة et il n'y avait personne de sa génération qui était comme lui, que ce soit dans les vertus, dans la religion, dans l'adoration, dans la science, dans le fait de ramasser la sunna, dans la fermeté dans la sunna, et dans le fait de blâmer et d'être dur et d'écraser les gens de l'innovation. Il dit celui qui parle au mal à cette époque à l'époque de Hamad ibn Salama qui parle au mal sur Hamad ibn Salama, ce n'est qu'un Mu'tazili, ou un Qadari, ou un Jahmi, ou un innovateur Jahmi, parce que c'est l'âme, hein, parce que Hamad ibn Salama faisait montrer la sunna que ne reconnaissaient pas le Mu'tazila et les autres. C'est pour ça, de nos jours, celui qui parle de Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Mohammed, etc., ben, akhi, et qui les critiquent parce qu'ils font les répliques aux gens des innovations, tu l'accuses aussi dans sa voix. وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل et nous on ne croit pas en comme quoi ils sont exempts de l'erreur أبداً. Mais ce sont des imams à ce niveau-là, à l'islam. وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدعة. L'imam Ahmed, écoute cette attestation de l'imam Ahmed. Dit, si tu entends quelqu'un critiquer Hamad ibn Salama ou faire des allusions sur Hamad ibn Salama, accuse-le dans son islam car Hamad ibn Salama était dur contre les innovateurs. والتناء على حماد بن سلمة كثير والذي يراجع كتب أئمة السنة في بيان عقيدة أهل السنة وبيان بطلان عقائد أهل البدع كثيرا ما يجد الأقوال الشديدة في أهل الباطل في أهل البدع جماعتهم وأعيانهم ولا يجد في هذا مثل أساليب الدكتور إبراهيم وشروطه وضوابطه التي تجعل نقد أهل البدع والمخالف ما يقارب المستحيلات لا سيما وقد فاوت الله بين طباع الناس فهل يستطيع أحد أن يسب الناس في قالب واحد وإني لا أعتقد أن من أوائل من يعجز عن تطبيق هذه الشروط وهذا المنهج لصاحب هذه النصيحة. Et Cheikh Rabi' de nous dire, les éloges concernant Hamad ibn Salama sont nombreuses. Et celui qui retourne et qui révise les écrits des imams de la Sunna, qui montre l'aqidah des gens de la Sunna et qui te montre le faux des croyances des gens de l'innovation, il va trouver beaucoup d'éloges à Hamad ibn Salama. Il va trouver beaucoup de paroles sévères des imams contre les gens de l'innovation. et contre leur groupe, et contre des individus bien précis parmi les gens de l'innovation. Il ne va pas trouver l'exemple du style du docteur Ibrahim qui ramène des conditions et des règles, qui vont faire ces règles et ces conditions qui vont faire que c'est impossible de critiquer les gens de l'innovation et ceux qui sont en divergence avec la sunna, ou alors c'est du domaine, c'est du domaine de l'impossible. Il dit surtout que les gens dont leur caractère sont à des niveaux différents. Est-ce qu'on peut mettre les gens tous dans le même moule et au même degré? Abadan. Et il cherche Rabi' de dire, et je crois que le premier parmi ceux qui vont être incapables d'appliquer ces conditions et cette voie, c'est celui qui a écrit cette nasiha. C'est-à-dire que même Cheikh Ibrahim Rouhaili est incapable d'utiliser et de mettre en application ces conditions qu'il ramène. يقول وعلى كل فاللين والرفق مطلوبان لكن إذا لم يحصل بهما جدوى فالشدة مطلوبة عن المعاندين المتمردين على الحق وأهله ولذلك تطبيقات كثيرة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وتجاهل ذلك فيه خطر وضرر على الإسلام وأهل السنة. Il dit de toute façon la dureté et le doigté et la sagesse sont demandés. Mais si on n'arrive pas avec la douceur, le doigté et la sagesse, on n'arrive pas au but, donc dans ces cas-là, être ferme et la sévérité et la dureté sont demandées à ceux qui s'entêtent et qui se révoltent contre la vérité et les gens de la vérité. Et pour cela, la mise en application de ceci, et non, les témoignages sont nombreux dans les livres de la Sunna. Dans le livre d'Allah, dans la sunna, dans la voie des plus prédécesseurs. Et le fait de fermer les yeux sur ceci ou de l'ignorer, ceci est un grand danger, est un grand mal pour l'islam et pour les gens de l'islam. يقول وقد طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج وروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الأحاديث في التحريض على قتلهم وذمهم بمثل قوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهم شر الخلق والخليقة وقوله صلى الله عليه وسلم أين وجدتموهم فاقتلوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أدينيغري الخوارج. Il les a critiqués et dénigrés. Les sahaba nous ont rapporté beaucoup de hadiths à ce niveau-là, dans lequel le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam incitait la communauté à combattre les khawarij et à les blâmer. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par l'imam muslim où il dit, ils lisent le Coran, c'est-à-dire le khawarij, ils dépassent pas leur gorge. Ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier. Ils y reviennent pas. Ils sont les pires des créatures. Les pires parmi les créatures. Dans l'autre hadith, il dit, là où vous les trouvez, combattez-les. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Et le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il faisait sa khutba, ses yeux deviennent rouges, sa voix s'élève et sa colère devient grande comme un avertisseur d'armée qui dit l'armée il arrive, il est pas loin, et il leur dit je suis envoyé. Entre moi et leur, il n'y a que cette distance, et il colle son index à son majeur. Il leur dit, ça c'est la distance qui reste entre moi et leur. Et il dit, et après, la meilleure des paroles étant le livre d'Allah, la meilleure des guidances étant la guidance de Mohammed alayhi salatu wasalam, les pires des situations ce sont les nouveautés, et toute innovation est un égarement. Wa qala Khabib, في دعائه على الكفار من قريش اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. خبيب dans son dua concernant les kuffar de Quraysh, il dit oh Allah, comptabilise-les dans la mort que tu vas leur donner, ne laisse plus personne parmi eux. Et tu vois, pour clôturer à l'islam cette science que Cheikh Rabi' Habibullah Ta'ala nous a montré, que les conditions et les règles qu'a cité cher Dr Rabi' ne se trouvent ni dans les livres des imams de la Sunna, qui se sont occupés à nous éclairer sur la Sunna et à répliquer aux gens de l'innovation. Et que mettre en application ces conditions et ces règles qu'on ramène docteur fait que le fait de répliquer et de réprimander les gens de l'innovation devient presque du domaine de l'impossible. Et donc dans ce passage, tu vois, l'islam, cheikh l'islam nous montre que docteur Ibrahim al-Ruhaili a augmenté, a ramené beaucoup de règles, beaucoup de conditions, sans ramener de preuves. Et qu'il nous montre aussi que ces règles et ces conditions, ceux qui sont réjouis par ces règles et ces conditions, ce sont ceux qui sont en divergence avec la voie. Et Cheikh nous a montré aussi que le fait d'aimer à le retour de celui à qui on réplique vers la vérité, il n'est pas obligatoire. Il ne fait pas partie des implications qu'implique la sincérité. Et Cheikh nous l'a montré à travers les histoires qu'il nous a citées des prophètes avec leur peuple. Et Cheikh nous a montré aussi que comment Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala était dur et sévère avec les mécréants, avec les hypocrites et avec les divergents parmi les musulmans. Et il a ramené les preuves des positions d'Al-Salaf qui te prouvent que la sévérité et la dureté sur les gens du faux, c'est une louange. C'était une louange chez les gens. C'est les imams de la Sunna. Et tu as entendu les éloges que faisaient les hommes de la Sunna comme l'imam Ahmad, Ali ibn al-Madini, les grands, et Abdullah ibn Mubarak concernant Hamad ibn Salama, alors qu'il était dur contre les innovateurs. Où sommes-nous de cette voie? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans cette voie. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakum.